Bonjour. Vous savez, par rapport aux situations qu'on nous a imposées dans les dernières années, il y a de la dissidence, des gens d'une certaine dissidence, d'une certaine résistance, ou je dirais plutôt qui ratissent une clientèle d'insoumis, qui avait été dit, qui avait des contacts avec un laboratoire, quelqu'un qui a un laboratoire en Asie, qui avait analysé, vous savez, un certain traitement, puis qui avait dit. Il n'y a pas une femme qui va recevoir ça, qui va réussir à porter un enfant à terme. Puis à cette époque-là, il y a ma nièce qui était tombée enceinte. Puis j'étais allé par en dedans, puis j'avais demandé, est-ce que le bébé est en danger? Est-ce que, parce qu'elle avait eu plusieurs de ces traitements-là, puis ça m'avait répondu de ne pas m'inquiéter, que tout allait bien aller. Et elle a mis au monde un bébé en santé. Mon petit-neveu se porte très bien, est en parfaite santé. Donc, bon, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui pourrait pas nuire au niveau de la reproduction, ces choses-là. Ce que je vous dis, c'est que dans des cas particuliers, ben, peut-être qu'il y a des exceptions, puis même qu'il y en a pas mal. Puis de ne pas s'inquiéter, ça ne donne rien de s'inquiéter pour rien, surtout si on ne peut rien faire. Là, dernièrement, dans cette belle dissidence, qui ratisse large au niveau d'une clientèle. J'en avais vu un de la gang qui avait dit, oh, ben, un tel, il a lâché une bombe. Hein? Parce qu'il avait dit, eux sont pas sur YouTube, ils ont leur propre plateforme, on va dire ça comme ça. Puis qu'il avait dit que le sang de toute la population, même ceux qui avaient pas reçu le traitement, que le sang de tout le monde était scrap. Ah, ouais. Fait que, comme d'habitude, je vais pas rentrer dedans, puis je dis, si tu verrais ça, puis bon, puis finalement, de la façon que j'ai fini par. Ça n'a pas été long, là. L'affaire, c'est que c'est un argument de vente. Ça joue sur la crainte des gens pour plus tard vendre des trousses puis des formations pour détoxifier votre sang. Puis aussi, possiblement, pour. C'est aussi une façon. C'est du marketing, dans le fond. S'accorder une certaine par la crainte, bon ben les gens vont être très intéressés, voyez, à écouter cette plateforme-là. Donc, je vais me permettre une prédiction parce que bon, des gens qui ont étudié en marketing, puis bon, la psychologie à un moment donné est facile à voir là. Donc, d'après moi, les gens de cette plateforme-là de diffusion qui ont lâché comme ça dans le public, comme quoi qu'il y avait des analyses de sang qui disent que la population générale, même ceux qui n'ont eu aucun traitement, que leur sang est scrap, à mes yeux, c'est un argument de vente et je suis à autour de 85 à 90% certain que cette semaine, sur cette plateforme de diffusion-là, vous allez avoir droit à une émission qui parle de nettoyer, entre guillemets, votre sang. Puis que complémentaire à cette émission-là, il va y avoir des ventes de formation et de trousses de détoxication du sang. C'est une prédiction que je vous fais. Là, il y en a qui vont trouver qu'encore une fois, je perds mon temps à me mettre sur le cas de d'autres. Mais l'affaire, c'est que je le vois. Je suis pas mal certain de ce que je vois. Je trouve ça malhonnête parce que ça instrumentalise les craintes du public et qui ne dit mot consent. C'est pour ça que je dis quelque chose. Donc, je vous fais cette prédiction-là. Nous verrons bien, mais je suis pas mal certain. C'est gros comme un éléphant. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne semaine!